L'intention de John Mangles était d'aller faire du charbon au Cap de Bonne-Espérance. En moins de 6 jours, il franchit les 2400 km qui séparent Tristan d'Acunha de la pointe africaine. Il y donna vers 8 heures et jeta l'ancre dans le port de Cape Town. Les passagers Duncan profitèrent de leur relâche pour visiter la ville du Cap, car un jour suffisait au capitaine John pour renouveler ses approvisionnements. Le lendemain, le Duncan appareilla et quelques heures après, il doublait ce fameux Cap des Tempêtes, auquel l'optimiste roi du Portugal, Jean II, donna fort maladroitement le nom de Bonne-Espérance. 480 km à franchir entre le Cap et l'île Amsterdam par une belle mer, c'était l'affaire d'une dizaine de jours. Le 6 décembre, aux premières lueurs du soir, c'était l'île Amsterdam, située par 37 degrés de latitude et 79 degrés de longitude dans l'océan Indien. Le sol Duncan Lacosta, le 6 décembre 1864, sa population s'élevait à 3 habitants, un vieillard français et 2 mulâtres. La petite maison où vivaient les 3 insulaires était située au fond du port naturel. Le vieillard habitait l'île depuis de longues années. Du Britannia et du capitaine Grant, il ne savait rien. Le départ du Duncan fut donc décidé pour le lendemain.